Les jours sont tous les mêmes. Ça se passe, mot de passe efficace. Blank squad, je laisse la place au premier flox venu. Rue vide, rien à l'horizon, mon quartier pue. Je vais, je viens, soir c'est foutu. Pas une rate qui traîne dehors, c'est vrai que chez moi c'est mort. Pourquoi ce soir je sors? Ici chacun se casse derrière sa porte. Ou bien c'est le bois de Boulogne, mon QG, le plus j'ai. Trouver rien d'autre à foutre en besogne, Val Flori. Zone d'activité bien précaire, jeunesse en minorité flirte avec le suicide. J'oublie de redescendre sur terre, ma tête est complètement vide. Visage ridé avant l'âge, je suis fatigué, y'a rien qui me soulage. Je sombre dans le but total, la rage au vent, tu comme ficelé. Partout où je vais, on m'interdit de pénétrer. Les terrains de foot sont minés, pour les plus accros, y'a plus qu'à escalader. Les MJC n'existent plus ici. HLM pavillon, pavillon HLM cache de moisi. Je n'ai rien choisi, mais voici ce qu'on me propose. Quand j'ouvre un peu ma grande gueule, si t'es pas content, c'est pareil, cause toujours tu n'intéresses personne. Ah les jeunes alors, dans quelle époque on vit? Ferme-la s'il te plaît, tu m'emmerdes avec tes propos. Et plus je m'en moque, la glande avec les potes. Maintenant je sais comment faire pour passer outre. J'rappe tous les jours, fou la mission. Pendant que les autres tourneront, s'enlisent dans un gouffre profond. Val Florino, du lundi jusqu'au vendredi, il pleut dans ma ville négro. Tu mets les pieds dehors, j't'aurais prévenu, c'est à tes risques et périls. Derrière la fenêtre, je mate le trottoir brillant. Peut-être qu'en restant, évite en petit banc, jouons avec les lettres. Non, t'as besoin d'extérieur. Bonheur en toute simplicité, complicité avec mes punks glandeurs. Vendeur de rimes d'inspiration perso, aussi recto que verso. Compare ta putain de flotte avec mon flow de mots. Mille et une images de noix se croisent. De phrases à l'état brut, rien à foutre des phases. Si je gaz négro, c'est qu'il pleut un tacho sur Valflow. C'est comme partout mais c'est chez moi. Yo à quand Zeyo. Faut que je me rachète un ciel de l'amour fraternel à redonner aux enfoirés de Joabour qui gouvernent, aux frères et sœurs paumés. Aveuglés par la grisaille, humiliés par la flicaille. Les préjugés font défaut, les mecs confondent les batailles. Où qu'on aille, c'est jamais très loin. Les gens respectables oublier les soi-disant respecter son crin. Putain de climat, paysage froid pour mes scarlins. On laissera pas ça comme ça. Grosse rote cas sur Babylone, sort ton impère. Prépare ton combat. Val Florino.